الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Aujourd'hui nous allons parler de certaines règles liées au jeûne de la femme. Premièrement, si une femme, quand elle était jeune, elle est devenue pubère, elle n'a pas jeûné pour plusieurs raisons. Ou bien parce qu'elle était ignorante, ou bien parce qu'elle avait honte de montrer à ses parents qu'elle était pubère, etc. Déjà, premièrement, cet acte-là est interdit en islam. Dès qu'elle devient pubère, c'est obligatoire pour elle de jeûner et de faire toutes les obligations d'islam qui concernent la femme, la prière, le jeûne, le hijab, etc. Avant qu'elle soit pubère, normalement, la fille doit s'entraîner à toutes ces choses-là. Mais quand la puberté arrive, ça y est, c'est la limite où ça devient obligatoire. Comment on reconnaît la puberté? Il y a trois signes qui sont communs aux hommes et aux femmes. Premièrement, arriver à 15 ans. Un homme ou une femme arrivée à 15 ans, une femme qui a eu ses règles ou non, qu'il a eu l'ihtilal, c'est-à-dire l'éjaculation ou non, qu'il a eu des poils rigides qui poussent autour du pubis ou non, il est pubère. Deuxième des choses, avant 15 ans, quel que soit l'âge, si un homme, que ce soit éveillé ou dans la nuit, il a eu une éjaculation ou une femme, cette personne est pubère. Troisième signe, des poils rigides poussent autour du pubis, que ce soit pour l'homme ou pour la femme. Ça veut dire que cette personne, elle est pubère. Si l'un de ces trois signes apparaît, l'un de ces trois seulement, cette personne, elle est pubère. Et on rajoute un quatrième signe pour la femme, les menstrues. Quand une femme, elle commence à avoir ses menstrues, elle est pubère. Ces choses-là, barakallahu fikum, la plupart des musulmans les ignorent. Alors que toutes les règles de l'islam, elles sont attachées à la puberté. Et tous les musulmans, ils ignorent quand est-ce que quelqu'un devient pubère ou non. Donc, barakallahu fikum, ça c'est une chose à savoir et à enseigner à ses enfants quand elle commence à grandir. La mère doit, quand la fille commence à grandir, lui expliquer certaines choses qui sont spécifiques aux femmes, seules. Comme l'homme, il doit expliquer ces choses-là à son fils. Donc, quand on voit nos enfants qui commencent à grandir, dès qu'ils dépassent les 11, 12 ans, une fille, ça peut être plus tôt des fois. Il y a des filles qui ont leur menstrue très tôt. Ça existe déjà existé des filles qui ont eu leur menstrue à 9 ans, à 10 ans, à 11 ans. Donc dites-vous qu'à cet âge-là, ça y est, elle est pubère. Donc il faut savoir expliquer ça avant que ça arrive. Pour que ces enfants-là, ils apprennent et sachent, qu'ils mettent au courant les parents. Par exemple, la fille, elle va dire à la mère, je pense que je suis pubère, ou le garçon. Et la mère ou le père, il va pouvoir, ou le garçon ou le père, comme ça il va pouvoir lui expliquer, lui dire effectivement est-ce qu'il est pubère ou non. Donc c'est très important. Barakallahu fikoum. Idan, si une fille a été pubère, parce qu'en général c'est souvent avec les filles, elle a été pubère assez tôt, et elle a eu honte, elle n'a pas voulu montrer à ses parents, elle n'en a pas parlé, alors elle n'a pas jeûné certains jours. Premièrement, en faisant ça, elle fait un péché énorme. Allah, c'est lui qui mérite le plus qu'on ait honte, qu'on ait de la pudeur envers lui. Et Allah, il a ordonné de jeûner. Et Allah, il a ordonné certains ordres aux hommes et aux femmes. Et dès qu'ils deviennent pubères, ces ordres leur sont directement adressés. Donc la première des choses, elle doit savoir que c'est un péché. Donc si elle l'a fait, elle s'en repent d'un repentir sincère. Et elle doit rattraper tous ces jours qu'elle n'a pas jeûné. Non. Deuxième des choses, une femme ou une fille qui est devenue pubère, et pour ne pas montrer qu'elle est pubère, elle jeûne, alors qu'elle n'était pas pure, elle était en période de règle. Donc, alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala a interdit de jeûner pendant cette période-là, ou même si elle n'a pas l'intention, si elle n'a pas l'intention du jeûne, mais elle ne mange pas, d'accord, mais elle ne rattrape pas ses jours, par exemple. Elle a, pendant Ramadan, par exemple, elle a fait 22 jours sahiha, qui sont acceptés, qui sont faits en période de pureté, et 8 jours qu'elle a jeûné alors qu'elle n'était pas pure, elle était en période de règle. Même si elle n'a pas mis l'intention du jeûne, mais pour montrer à sa famille qu'elle a jeûné. Premièrement, ce jour-là, elle n'est pas acceptée. Bien sûr, elle n'a pas mis l'intention du jeûne. Deuxièmement, même si elle avait mis l'intention, c'est pas accepté, c'est haram. Et troisièmement, si elle n'a pas rattrapé ces jours-là, elle devra les rattraper obligatoirement. En ce qui concerne la femme mariée n'a pas le droit de jeûner un jeûne surérogatoire. Sauf nafila, t'entends voir. Si son mari n'est pas en voyage sans son autorisation. Donc quand le mari n'est pas en voyage, la femme n'a pas le droit de jeûner un jeûne surérogatoire sans son autorisation. Mais s'il est en voyage, elle n'a pas besoin de demander son autorisation, elle pourra jeûner. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'une femme ne jeûne pas sans l'autorisation de son mari s'il est shahid, s'il est présent, s'il n'est pas en voyage. La femme qui a ses menstrues, al-ha'id, beaucoup de femmes n'ont pas compris les règles qui sont liées aux menstrues. Elles ne savent pas quand est-ce qu'elles doivent jeûner, quand est-ce qu'elles doivent arrêter de jeûner, quand est-ce qu'elles doivent prier, quand est-ce qu'elles doivent arrêter de prier, etc., etc. Première chose à savoir, barakallahu fikum, le sang des menstrues, il a été décrit par les fuqaha, par les savants. C'est un sang épais, sombre et qui a une mauvaise odeur. C'est un sang épais, sombre et qui a une mauvaise odeur. Pourquoi ils l'ont décrit? Pour que la femme reconnaisse quand elle est idakana mutaliba, quand elle a un doute, elle ne sait pas. Deuxième des choses, ça c'est à la main, ces signes-là, ils servent à la personne qui n'a pas des périodes bien définies. Mais la personne qui a des périodes bien définies, alhamdulillah, quand les premières gouttes de sang coulent, elle ne doit plus jeûner ni prier. Et elle ne recommencera pas le jeûne ou la prière jusqu'à qu'elle voit le signe de pureté. وَمَا هِيَ عَلَامَةُ الطَّهْرِ الْقَصَّةُ الْبَيْضَى الْقَصَّةُ الْبَيْضَى. Un liquide blanchâtre qui sort de l'utérus de la femme qui signale la fin des menstrues. Donc elle ne devra pas se presser. Tant que le liquide blanchâtre n'est pas sorti pour signaler la fin des menstrues, elle ne reprend pas la prière. Elle ne se lave pas. Elle ne fait pas de rousse, on va dire. Elle a le droit de se laver, mais elle rousse pour devenir pure. Et elle ne reprend pas la prière. Et son mari ne l'approche pas. Et elle ne jeûne pas. Deuxième façon, si une femme n'arrive pas, n'a pas le qasatul bayda, c'est une femme qui n'est pas réglée, elle n'a pas des jours bien définis. Comment elle devra savoir que ses menstrues sont finies? El-Jafaf. En utilisant un coton ou quelque chose pour voir si c'est sec. Si rien ne ressort, c'est sec, elle peut se laver, prier et jeûner. Si ça ne sort pas sec, s'il y a du sang, elle devra continuer à ne pas prier et elle ne pourra pas jeûner et son mari ne pourra pas l'approcher. Non. De même, ikhwat al-iman wa akhawati, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en parlant des menstrues, surtout les règles des menstrues, c'est compliqué, donc il faut l'expliquer parce que beaucoup de femmes se perdent dans ces règles-là. Et les hommes, il ne faut pas qu'ils se disent, moi ça ne m'intéresse pas ces choses-là. Ça ne me concerne pas. Taïb. Comment tu vas transmettre à ta femme, Rahim Karim? Si ta femme elle a un problème, elle dit je sais pas, qu'est-ce qui m'arrive? C'est ta femme qui va appeler l'imam pour lui expliquer, j'ai eu telle chose, c'est difficile. C'est la pudeur, elle l'empêchera de faire ça. Et est-ce qu'on a aujourd'hui des femmes qui ont la science religieuse? Est-ce qu'on en a assez pour pouvoir expliquer aux femmes? On n'en a pas. Très peu. Donc, il faut que toi aussi tu apprennes ces règles. Pour pouvoir les transmettre à ta femme, à tes sœurs. Peut-être avec les sœurs c'est plus délicat, mais au moins à ta femme ou aux gens de ta famille qui en auraient besoin. Nah. Bien que si une femme elle n'a pas d'autre moyen et son mari ne veut pas demander, elle est obligée de poser la question. Il n'y a pas de mal qu'elle appelle même l'imam, elle pose la question. Mais il faut qu'elle utilise des mots pudiques, qu'elle sache comment expliquer les choses. Elle n'est pas obligée d'expliquer les détails. Tout ce qui concerne ce genre de choses, la pureté, l'impureté, ce qui concerne les relations entre les hommes et les femmes, pour connaître le halal et le haram, il faut pas que ça nous empêche, la pudeur nous empêche de demander des questions sur ces points-là. Mais il faut savoir comment formuler la question. C'est ça l'important. Il faut savoir comment formuler la question. Non. Donc une femme qui a ses menstrues, et ses menstrues, elles s'arrêtent. Après la fin des menstrues, après qu'elle ait vu les signes de pureté, elle a de temps en temps un peu de liquide jaunâtre qui tombe, ou proche de la couleur du sang, mais très clair. Ça, on n'y prête pas attention. Comme elle a dit Umm Salama, radiallahu anha, que ma kunna na'ta'ana, elle disait qu'on ne comptait rien, on ne prenait pas attention au liquide jaunâtre, soufra ou al-kudra, qui tombe, ou bien un petit peu clair, rouge clair, qui peut couler de la femme, une fois qu'elle est devenue pure, quelques jours après. Ça, ce n'est pas des menstrues. كذلك la femme qui dont le sang s'est arrêté de couler dans la nuit juste avant le fajr. Avant le fajr, elle a vu alamat at-tahr, les signes comme quoi elle est pure juste avant le fajr. Ou bien elle a vu les signes comme quoi elle était pure, elle n'a pas eu le temps de faire le ghusl et l'heure du fajr est entrée. Est-ce que son jeûne, il est valide? Oui. Si elle a mis l'intention de jeûner avant l'entrée de l'Fajr, même si elle fait le ghusl, elle se purifie après l'entrée de l'Fajr, son jeûne est valide. À partir du moment que, tant que les menstrues se sont arrêtées avant l'heure de l'Fajr. Deuxième mas'ala. Une femme qui a ses menstrues en pleine journée, elle a jeûné toute la journée. 10 minutes avant le maghrib, le sang commence à couler. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'elle devra rattraper ce jour-là? Elle rattrape obligatoirement. Car une journée de jeûne doit être entière. Min al-fajri ila al-ghurub. Même si c'est 5 minutes avant le maghrib, elle devra rattraper ce jour-là. Non. Autre question. La femme qui sait ou qui a l'habitude que ses menstrues viennent à des dates précises. À des dates précises. Elle sait par exemple aujourd'hui, demain mes menstrues vont commencer. Il y a des femmes, elles se disent demain vers 10h, ça va commencer. Est-ce qu'il lui est permis de ne pas mettre l'intention de jeûner le lendemain? Là, elle doit mettre l'intention du jeûne. Et elle doit commencer le jeûne. Et quand les menstrues arriveront, elle arrête. Peut-être que ça va se retarder. Et alors elle n'aura pas jeûné un jour de Ramadan parce qu'elle n'a pas mis l'intention de jeûner dans la nuit. Et on a déjà dit le hadith. Celui qui n'a pas l'intention de jeûner dans la nuit, il n'a pas de jeûne valide. Son jeûne est invalide. Donc même si elle a la quasi-certitude que demain, elle va avoir ses menstrues, elle doit commencer le jeûne, elle doit mettre l'intention de jeûner. Mas'ala ukhra. Une femme qui sent les douleurs dans le ventre, elle sent que ça y est, ses règles, elles vont venir. Ou ses menstrues, elles vont venir. Elle sent les douleurs. Et elle sent des mouvements dans son ventre, ou dans son utérus, des mouvements. Ça n'a pas d'incidence sur le jeûne. Tant que le sang n'est pas sorti, son jeûne est valide. Elle continue. Si le sang coule avant le coucher du soleil, alors ce jeûne, cette journée sera invalide et devra le rattraper. Non. Mas'ala ukhra. Aujourd'hui, les femmes utilisent des fois certaines pilules pour ne pas avoir leurs menstrues. Certaines femmes, elles disent, ah, je veux jeûner tout le Ramadan. Alors un ou deux mois, elles demandent au docteur, à sa gynécologue, prescris-moi une pilule pour que je n'ai pas de menstrues pendant le mois de Ramadan. Ça existe, ça. Il y a même des femmes qui font ça pour aller au Hajj, pour aller au pèlerinage. Comme ça, là-bas, elles n'ont pas leurs menstrues au moment de faire, par exemple, tawaf. Parce que sinon, elles ne peuvent pas faire tawaf. Qu'est-ce que l'islam dit de ces pilules-là? Premièrement, le mieux, c'est de rester sur sa nature. Comme les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les femmes des croyants, elles sont restées sur leur nature. Comme Allah tabaraka wa ta'ala les a fait. Allah n'a pas fait les femmes comme ça sans raison valable. Il y a une sagesse en cela. Donc le mieux, c'est qu'elles ne prennent pas ces pilules. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, le fait de prendre ces pilules souvent, c'est haram. Car ça nuit à la santé et ça peut nuire à la fécondité. On ne parle pas de la pilule de contraception, là. On parle d'une autre pilule. Les femmes, elles connaissent ça. Troisième chose, si elle le prend de temps en temps, ou une fois, comme ça, c'est permis. C'est permis, mais le mieux, c'est de ne pas le prendre. Car, même de prendre que quelques fois, une ou deux fois, c'est nuisible sur la santé et sur l'état général de la femme. Beaucoup de femmes, après avoir pris ces pilules-là, n'ont plus des menstrues réglées. Elles sont complètement déréglées après. Ça gêne dans leur vie, ça gêne dans leur santé, et ça peut causer beaucoup de problèmes même dans la fécondité. Donc, éviter ces pilules-là. Mais si quelqu'un le prend, ce n'est pas haram, il n'aura pas fait un péché. Le mieux c'est de le délaisser. Mais si quelqu'un l'a quand même pris, son jeûne sera valable et elle n'aura pas à rattraper des jours de Ramadan si elle a jeûné tout le mois Ramadan en entier. Par exemple. Dame l'istihara. En ce qui concerne le sang maladif, c'est-à-dire que le sang, des fois la femme, en dehors de ses règles, en dehors de ses menstrues, elle a du sang qui coule. Mais il a la même couleur que le sang qui coule des veines. Il n'a pas l'odeur du sang des menstrues. Et il n'y a pas les douleurs qui accompagnent ce sang-là, les douleurs de ventre. Et il n'est pas épais. Ce sang-là, s'il est en dehors du moment des menstrues, c'est du sang maladif. Ce sang-là ne l'empêche pas ni de prier, ni de jeûner, ni que son mari s'approche d'elle. La seule chose qu'elle sera obligée de faire, c'est de refaire les ablutions pour chaque prière obligatoire. Obligatoirement. La deuxième chose qu'elle peut faire, c'est faire le rusl comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Ça, c'est recommandé, ce n'est pas obligatoire. L'obligation, c'est qu'elle fasse ses ablutions, al-wudu 'inda kulli fariida, pour chaque obligation. Mais ce qui est recommandé pour elle, ce sera, si elle a la capacité, de faire trois fois le rusl par jour. Une fois pour salat al-fajr. Une autre fois à la fin de l'heure de dhuhr, pour réunir le dhuhr et l'asr ensemble, pour faire le dhuhr à la fin de l'heure et l'asr au début de son heure. Et la troisième fois, à la fin de l'heure du maghrib, c'est-à-dire avant l'heure de l'isha, elle fait le rusl, puis elle fait le maghrib, et dès que l'isha rentre, elle fait l'isha. Ça, pour celle qui en a la capacité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enjoint une femme de faire de telle manière. Pour celle qui a l'istihada, du sang maladif. Nah. Mais celle qui n'a pas la capacité ou elle ne veut pas le faire, ce n'est pas obligé. Ce qui est obligé pour elle, c'est de refaire les petites ablutions, le wudu, les kulli salat, pour chaque prière obligatoire. Mas'ala ukhra. Si une femme perd un enfant pendant... alors qu'il était dans son ventre. مَا حُكْمُ الدَّمَ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْهَا بَعْدْ هَذَا السَّقْتْ. Quel est le statut du sang qui coule de la femme après avoir perdu cet enfant-là? Si c'est avant 80 jours, le sang qui coule, ce n'est pas du nifas. Ce n'est pas du sang de nifas, c'est-à-dire des lochis. Donc, elle pourra jeûner et prier et son mari pourra l'approcher. Bien sûr, en dehors des journées de Ramadan. Sans souci. Sauf si elle n'arrive pas à jeûner car elle est trop fatiguée à cause du sang qu'elle perd. Alors dans ce cas-là, elle est considérée comme quelqu'un de malade. Elle devra rattraper ses jours. Elle peut manger et elle rattrapera ses jours après Ramadan. Si l'enfant qui est tombé ou qu'elle a perdu il a 80 jours et plus, alors le sang qui coulera de la femme, c'est du nifas, c'est des logis. Donc elle ne pourra pas prier, ni jeûner, ni son mari ne pourra l'approcher de nuit, bien sûr si c'est Ramadan, tant que ce sang coule jusqu'à maximum 40 jours. Le sang des logis dure 40 jours maximum, comme il a été rapporté par les sahabiyats, et comme l'a rapporté Ummu Salama radhiyallahu anha, qu'à leur époque, le sang des logis ne dépassait jamais 40 jours. Donc, après 40 jours, si elle a encore du sang qui coule, c'est du sang maladif, l'istihada. C'est-à-dire qu'elle pourra, c'est le même cas que tout à l'heure. Sauf si, juste après ses logis, après les 40 jours, ça tombe exactement dans sa période de règle, dans sa période de menstrue habituelle, et qu'elle reconnaît le sang de menstrue. Dans ce cas-là, ça comptera parmi les menstrues. C'est-à-dire, tu vois, c'est-à-dire par exemple 40 jours, et elle a l'habitude d'avoir 7 jours de menstrues. Et elle reconnaît que c'est sans des menstrues, c'est pendant la période, ou alors c'est pendant la période des menstrues. Alors elle continuera encore les 6 ou 7 jours de menstrues qu'elle a habituellement, et après cela elle pourra jeûner, prier, et son mari pourra l'approcher. Masala ukhra. Avant les 40 jours, par exemple, elle vient d'accoucher, ou de perdre son enfant, qui a plus de 80 jours dans son ventre. Et le sang a coulé un seul jour. Après, il s'est arrêté. Le Jaffa, il n'y a plus de sang qui coule. Qu'est-ce qu'elle devra faire? Est-ce qu'elle attend 40 jours? Ou est-ce qu'elle doit jeûner ou manger et reprendre? Qu'est-ce qu'elle fait, les frères? L'awam, beaucoup d'awam, les gens du commun, la plupart du temps, ils croient qu'elle attend 40 jours. Alors que toute cette période-là, elle était obligée de prier et de jeûner. Non. Elle doit se laver et prier et jeûner obligatoirement. Parce que ça y est, elle n'a plus la cause qui fait qu'elle ne peut plus jeûner ni prier. Ne serait-ce qu'après l'accouchement ou après avoir perdu l'enfant de plus de 80 jours dans son ventre, ne serait-ce que si elle a eu une coulée de sang, dafqa wahida, une minute, elle a eu une coulée de sang, après elle n'en a plus eu du tout. À la prochaine prière, elle devra prier. À la prochaine prière, elle devra se laver et prier. Non. Par contre, si le sang s'est arrêté pendant la période des 40 jours, le sang des logis, on parle des 40 jours après l'accouchement de la femme ou après avoir perdu un enfant qui a plus de 80 jours dans son ventre. Si le sang s'arrête, par exemple, il coule 3 jours, 4 jours, puis il s'arrête 1 jour, 2 jours, 3 jours. Là, elle prie, elle jeûne, puis il reprend. Il reprend pendant les 40 jours. Qu'est-ce qu'elle devra faire? Elle devra obligatoirement arrêter de jeûner et de prier. Tant que c'est pendant les 40 jours, dès que le sang revient, elle arrête de prier et de jeûner. Et dès que le sang s'arrête et s'arrête complètement, elle prend le jeûne et la prière. Non. Comme vous voyez, la plupart des masailles, la plupart des questions qui sont attachées aux femmes dans le jeûne et dans la prière, c'est lié aux menstrues et aux logis. Donc il faut bien comprendre ces règles-là pour que la femme puisse savoir quand est-ce qu'elle est pure ou impure. Avec cela, elle sait quand est-ce que son mari a le droit de l'approcher, quand est-ce qu'il n'a pas le droit. Avec cela, elle sait quand est-ce qu'elle est obligée de jeûner, quand est-ce qu'elle ne doit pas jeûner. Avec cela, elle sait quand est-ce qu'elle est obligée de prier et quand est-ce qu'elle ne doit pas prier. La femme qui allaite. La femme qui allaite. Et qui voit dans la nuit du sang couler. Mais la journée, elle n'a pas de problème. Et elle veut jeûner. Elle a envie de jeûner. Alors, elle jeûne et son jeûne est valide. La femme qui est enceinte. La femme qui est enceinte et qui jeûne, qui a envie de jeûner, on va voir, après on va parler du fait de est-ce qu'elle doit jeûner ou non et qu'est-ce qu'elle doit faire si elle ne jeûne pas. Et qui jeûne, et qui voit du sang couler pendant qu'elle est enceinte, ce ne sera pas du sang des règles, c'est du sang maladif. Donc elle peut continuer à jeûner et à prier. La femme qui allait ou bien qui est enceinte et qui ne veut pas jeûner pour plusieurs raisons, ou bien parce qu'elle a peur pour l'enfant qui n'est plus de lait, ou bien elle a peur que l'enfant ne soit pas assez fort si elle ne mange pas pendant les jours quand elle est enceinte, ou bien elle a peur pour elle-même, elle allait et en ne jeûnant pas, elle a peur d'être beaucoup trop faible, elle ne supporte pas le jeûne. Ou bien elle a peur quand elle est enceinte pour sa santé. Que soit qu'elle ait peur pour l'enfant ou pour elle-même, يجوز لها الفطر. Il lui est permis de rompre, de ne pas jeûner. Il lui est permis de ne pas jeûner. Et la preuve de cela, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été rapportée par Tirmidhi. Allah tabaraka wa ta'ala, il a dispensé le voyageur de la moitié de la prière et du jeûne. Et il a dispensé la femme enceinte et la femme qui allait de jeûner. Et donc, ce hadith, qui est un hadith d'une bonne chaîne de transmission rapportée par Tirmidhi, prouve que la femme qui allait et la femme qui est enceinte a le droit de rompre le jeûne et qu'Allah tabaraka wa ta'ala l'a dispensé du jeûne. Maintenant qu'on sait qu'Allah l'a dispensé du jeûne, la deuxième question qu'on se pose, c'est que doit-elle faire pour rattraper ce jour de Ramadan? Sur cette question, il y a eu beaucoup de divergences entre les savants, salafan wa khalafan, que ce soit les anciens ou ceux qui les ont suivis. Certains voient qu'elle devra obligatoirement rattraper son jour de jeûne. Certains autres voient qu'elle devra rattraper plus nourrir un pauvre pour chaque jour qu'elle n'a pas jeûné. Et dans cette deuxième avis, il y a plusieurs avis. Ils disent, elle nourrit le pauvre quand elle a peur pour l'enfant. Elle ne nourrit pas quand elle a peur pour elle. D'autres disent, elle nourrit à tous les coups en même temps qu'elle rattrape. Il y a plusieurs avis même dans cet avis. Le troisième avis, c'est qu'elle nourrira un pauvre sans rattraper son jeûne. Et le quatrième avis, c'est qu'elle ne rattrape pas et elle ne nourrit pas. Elle ne fait rien. Donc, sur cette mas'ala, il y a combien d'avis? 4 avis. Ceux qui disent qu'elle rattrape obligatoirement, elle ne fait rien d'autre. Ceux qui disent qu'elle doit rattraper et nourrir un pauvre. Ceux qui disent qu'elle doit seulement nourrir un pauvre. Et ceux qui disent qu'elle n'a ni à rattraper, ni à nourrir. On va commencer par le dernier avis parce que c'est le plus étonnant. Et d'ailleurs, il n'est pas juste. Et on va l'expliquer pourquoi. Le dernier avis, c'est l'avis d'Ibn Hazm al-Zahiri. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a pris le hadith. Inna Allah wada'a 'ala al-musafir shatr as-salati was-sawm aw as-sawm wa shatr as-salat wa 'ala al-murdi'i wal-hamil as-sawm. Il dit Allah a, comment on a dit wada'a? Dispensé. Barakallahu fik. Allah a dispensé à la femme enceinte et à la femme qui allait de jeûner. Il dit Allah l'a dispensé. Le hadith il dit Allah l'a dispensé. Toi, qu'est-ce que tu lui demandes de rattraper? Est-ce qu'il y a un autre hadith ou bien un verset qui lui dit de rattraper? Non. Donc, s'il n'y a rien qui lui dit de rattraper, ni rien qui lui dit de payer, elle est à la base qu'elle n'a rien à faire tant qu'Allah ne lui demande pas. Ça, c'est l'avis d'Ibn Hazm al-Hanbali. Mais cet avis, il est daïf, il est faible, pour plusieurs raisons. Premièrement, لِقَوْلِ اللَّهِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Celui qui voit le mois, qu'il jeûne. Cet ordre-là, il a été donné à tout le monde. Que ce soit aux malades, ou aux voyageurs, ou à la femme enceinte. Sauf qu'il y a eu des allègements pour ceux qui ne peuvent pas jeûner, mais ces allègements, ça ne lui donne pas l'autorisation de ne pas le rattraper. Comme Allah Ta'ala l'a fait pour les voyageurs et les malades. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Donc l'asl, c'est que tout le monde est demandé de jeûner le mois de Ramadan. Tout le monde. Et Et on ne peut pas dire que rien ne lui... c'est pas parce que dans le hadith, on ne lui parle pas de rattraper qu'elle ne doit pas rattraper. On peut comprendre du hadith qu'on ne le dit pas parce que c'est sous-entendu, c'est clair. Elle devra au moins rattraper ou faire quelque chose, elle ne va pas rester comme ça. Comme le fait qu'on a dit, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a dispensé le voyageur de la moitié de la prière et du jeûne. Dans ce même hadith, il dit, il a dispensé le voyageur de la moitié du jeûne, ou bien du jeûne. Est-ce que ça veut dire que le voyageur il ne rattrape pas son jeûne? Il le rattrape, parce que le verset le dit, le voyageur il le rattrape. Donc ce n'est pas parce que le hadith dit qu'il a dispensé que cela veut dire qu'il ne doit pas rattraper. Non. Ça c'est la première chose. Deuxième des choses, il y a des versets et des hadiths qui prouvent au moins qu'elle doit au moins nourrir, comme on va le voir prochainement. Le deuxième avis, c'est qu'elle rattrape à tous les coups. Ceux qui disent qu'elle rattrape à tous les coups, ils disent la femme qui est enceinte et la femme qui allait, elle ressemble à celui qui est malade. Et le malade, il rattrape son jeûne quand il lui sera possible de rattraper. D'ailleurs, Allah tabaraka wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, l'a cité en même temps que le voyageur. Sous-entendu, qu'elle est dans le même cas que le voyageur. Le voyageur rattrape, donc elle aussi, elle rattrape. Ça, c'est le deuxième avis. Le troisième avis, c'est elle nourrit sans rattraper. Elle nourrit un pauvre pour chaque jour qu'elle n'a pas jeûné. Ils se sont basés sur quoi? Premièrement, la parole d'Allah. La parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, où Allah ta'ala dit وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. Cette verset, elle était descendue quand? Au début, le mois de Ramadan, il était à l'al-khiyar. Ou bien tu jeûnes, ou bien tu nourris un pauvre. Puis Allah tabaraka wa ta'ala nasakha. Il a abrogé cette règle-là et il a fait que ce soit pour tout le monde le jeûne, sauf ceux qui n'ont pas la capacité, ils le rattrapent. Alors certains parmi les sahaba, ils disent que ce verset il n'est pas complètement abrogé. Il est abrogé pour tout le monde, sauf pour la personne très âgée, la personne qui a une maladie incurable, et la femme enceinte et la femme qui allait. Et ça, c'est la parole de Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, qui a expliqué ces versets de telle manière. Et il a dit, cette verset, laysat mansoukha, l'aya laysat mansoukha, il dit, le verset, il n'est pas abrogé. Deuxièmement, Abdullah ibn Abbas, c'était sa fatwa. Quand les femmes lui venaient qu'elles allaitaient ou qu'elles étaient enceintes, il leur disait de nourrir un pauvre tout simplement, sans rattraper. Et il a même dit, Allala ala dalik, il a expliqué pourquoi. Une femme, elle est enceinte, 1 an. Elle allait 2 ans. Elle est enceinte, une autre année. Elle allait 2 autres années. Puis là, allez, quand est-ce qu'elle va rattraper celle-là? Quand est-ce qu'elle peut rattraper? Ne regardez pas la vie des non-musulmans aujourd'hui et des musulmans aujourd'hui qui vivent comme les koufars, qui ont que 2 enfants ou 3 enfants. Regardez pas ça. Regardez le musulman comment il est, l'asl. Takathalu, tanasal. L'asl, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, faites beaucoup d'enfants. Que sahaba, ils avaient beaucoup d'enfants. Que tous les musulmans ont toujours fait beaucoup d'enfants. Regardez pas aujourd'hui ceux qui veulent vivre comme les juifs et les chrétiens. Regardez les musulmans comment ils étaient à l'époque. Et on comprendra cette règle-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enjoint de faire beaucoup d'enfants. Donc la femme, elle est enceinte 1 année, elle allait 2 années, elle est enceinte 1 année, elle allait 2 années, elle est enceinte 1 année. Ou bien, même s'il y a une pause, il y aura entre les 3 ans peut-être 1 année de pause, pas plus. Comment elle va rattraper? À 50 ans, elle va rattraper 20 ans de jeûne? Donc, cette femme-là, c'est pour ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne lui a pas demandé de rattraper, mais de nourrir. وَهَذِي فَتْوَى ابْنُ عَمَرْ كَذَلِكَ Abdullah ibn Omar, comme il a été rapporté dans des athars sahihas, quand quelqu'un est venu le voir, il lui a dit Tuftir wa tut'im makana kulla yawmin miskinan muddan min hintatin. Elle rompt le jeûne et elle nourrit pour chaque jour qu'elle n'a pas, qu'elle a manqué, elle nourrit un pauvre pour chaque jour qu'elle a manqué, un mout de blé. Et dans une autre version, il dit Al-hamil wa al-murdi' tuftiru wa la taqdi. Tuftiru wa la taqdi. Wa hada fatwa ibn Umar radiallahu anhuma. Anhu an abi. Donc il a dit, radiallahu anhuma, la femme enceinte ou la femme qui allait, tuftir, elle ne jeûne pas, wa la taqdi. Et elle ne rattrape pas ce jour-là. Donc, quand on réunit le verset, où Abdullah ibn Abbas a dit le verset n'est pas abrogé complètement. Quand on réunit la fatwa d'Abdullah ibn Abbas, qui est le Habr Hadil Umma, wa Turjuman al-Qur'an, qui est le plus grand exégète du Qur'an, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait dua pour lui en lui disant Allahumma faqihu fi din wa allimu ta'wil. Puis, la fatwa d'Abdullah ibn Umar, qui va dans le même sens, en sachant qu'il n'y a pas un verset clair, ni un hadith clair, qui dit qu'elle devrait rattraper, donc ça prouve que la seule chose qu'elle aura à faire, c'est de nourrir. Et le dernier avis, c'est ceux qui ont réuni entre les deux. Ils ont dit, elle rattrape plus, elle nourrit. Ils ont pris les textes qui parlent, le texte où Allah Ta'ala a dit, Allah a déchargé le voyageur de la moitié de la prière et du jeûne, et la femme qui est enceinte et celle qui allait, du jeûne. Ils ont dit donc, ça veut dire que la femme qui allait et qui est enceinte, c'est comme le voyageur, elle rattrape. Et ils ont pris les fatwas des Sahara pour dire qu'elle nourrit. Donc ils ont dit, elle rattrape et elle nourrit. Wassahir, c'est le troisième avis, wallahu a'lam. C'est qu'elle nourrit tout simplement. Elle n'a pas à rattraper. Car il n'y a aucune preuve du Coran ou de la Sunna qui prouve qu'elle a à rattraper. Et une règle aussi claire, aussi répandue à l'époque des Sahaba. À l'époque des Sahaba, combien de femmes étaient enceintes? Combien de femmes étaient en train d'allaiter? Comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait pu négliger d'expliquer qu'elle devait rattraper si elle devait vraiment rattraper? Comment Allah tabaraka wa ta'ala aurait pu oublier ça? Wa ma kana rabbuka nasiya. Alors, s'il n'y a aucune preuve, aucun verset, ni un hadith qui dit qu'elle doit rattraper, ça prouve que la seule chose qu'elle a à faire, c'est de nourrir. Non. Pour finir le point des femmes, Inch'Allah, on va s'arrêter là, et on finit, on clôt, Inch'Allah, le sujet du siyam pour les femmes. La femme, elle ne doit pas, si son mari veut l'approcher pendant les journées de Ramadan, elle ne doit pas le laisser faire. Si elle accepte, alors elle aussi, elle sera dans le péché et elle devra rattraper ce jour avec lui et expier 2 mois de jeûne d'affilée. Non. Par contre, s'il la force, il la menace ou il la force et qu'elle le laisse, il n'y a que lui qui devra rattraper, ce jour-là et faire l'expiation. Elle n'a pas l'expiation à faire, mais certains savants ont dit par sécurité, elle rattrape quand même son jour. Parce qu'on ne sait pas vraiment si elle était complètement contrainte ou non. Non. Donc, ils disent par sécurité, parce que la contrainte, ce n'est pas quelque chose qui peut se mesurer facilement. Donc, ils disent au moins par sécurité, elle rattrape au moins son jour, même si elle n'a pas l'expiation de 2 mois à faire. La femme qui connaît son mari, qui sait que son mari est quelqu'un qui est sensible. C'est-à-dire qu'il suffit qu'elle s'habille un peu bien, il est sensible. Alors pendant les jours de Ramadan, elle ne doit pas s'embellir pour son mari. Pendant les journées de Ramadan, elle ne doit pas s'embellir. Pour ne pas être la cause de l'attirer et de le pousser au haram pendant le jour de Ramadan. Non. Si une femme veut rattraper un jour obligatoire de jeûne, alors dans ce cas-là, comme les jours à rattraper de Ramadan, elle n'a pas besoin de l'autorisation de son mari pour cela, car c'est une obligation. Et d'ailleurs, si elle commence à rattraper un jour obligatoire de jeûne, il ne lui sera pas permis de rompre ce jour. Elle devra le finir. Et il ne sera pas permis au mari de vouloir l'approcher. Elle devra obligatoirement le finir. Contrairement à un jeûne surrogatoire, un jeûne d'un filin, où il peut venir en journée s'il voit pas.